devine dans mon sommeil. Elle-même me chuchote tout bas. Matin, elle-même me glisse du fond des draps. Qu'avec moi c'est pas pareil, que tout est parfait jusque là. Elle le dit elle-même et ne l'entend pas. Pareil au même. Elle le dit elle-même mais ne l'entend pas. Du pareil au même. Je ne crois pas. Elle-même le remarque, mais tout va de travers, elle s'émerveille. Elle-même ne s'en aperçoit pas. Les soirées, elle-même me perd, me quitte des doigts. Depuis la nuit, moi en veille. Elle-même ne m'aime pas. Elle le dit elle-même mais ne l'entend pas. Du pareil au même. Elle le dit elle-même mais ne l'entend pas. Du pareil au même. Je ne crois pas. Pas.